Chapitre 4. Embarras. Pour la première fois de l'entretien, Malik Boucharif parut embarrassé. Pire même, il semblait sincèrement peiné, et les mots sortirent avec plus de difficulté. C'est que... Dutilleul connaissait ce genre de réticence, aussi n'hésita-t-il pas à poursuivre. « Ne me dites pas que vous étiez à l'ombre. » Malik Boucharif le regarda cette fois sincèrement ennuyé. « Bah si, je me suis fait connement crister pour une affaire de scooter volé. J'ai pris 4 mois ferme. À l'époque, je m'en foutais. Ce que je pouvais être con quand j'y pense. Il n'était même pas neuf, mais ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je fasse un tour avec, juste histoire de changer d'air. Le juge s'est bien fichu de ma gueule et j'ai pris le maximum. Qui s'est occupé de votre dossier ? Fouchard. Pourtant, il est loin d'être le plus sévère. Pour qu'il vous ait condamné à 4 mois ferme, vous deviez avoir sacrément déconné. Malik Boucharif rougit brusquement. « Ah, je vois, » dit Dutilleul. « Il n'y avait pas que ça. Enfin, cela importe peu maintenant. » Boucharif sembla comme reconnaissant que Dutilleul ne poursuive pas dans cette voie. « Revenons à votre copine. Comment s'appelait-elle au fait ?»« Chardy. Marion Chardy. Cela ne me dit rien. Pourtant, je vous jure, commissaire, elle a bien été butée. Même qu'à ce qui paraît, ce n'était pas beau à voir. Oh, je ne mets pas vos paroles en doute. C'est juste que l'on ne me confie pas toutes les affaires. Sauriez-vous par hasard qui s'est occupé de l'enquête ? Oui, l'inspecteur Gravard. Tiens, ne put s'empêcher de réagir Dutilleul. Habituellement, ce n'est pas son domaine. Ah, c'est pour ça. Que voulez-vous dire ? Ben, il se murmurait qu'il n'y mettait pas beaucoup de cœur. Ces questions étaient d'un nul. Il n'a pas dû obtenir grand-chose. Attention, Boucharif. Gravard est un bon enquêteur, mais il est vrai que je ne l'aurais peut-être pas employé pour résoudre un meurtre. À présent, parlez-moi de l'entourage de Marion. Vous m'avez dit qu'elle n'avait plus de parents, mais il devait tout de même bien lui rester de la famille. Non. Sa mère, je vous ai expliqué. Quant à son père, il se définissait lui-même comme un enfant de vieux. Il est arrivé sur le tard. Sa mère l'a eu à plus de 40 ans. Il était né d'un second mariage. Il venait à peine d'achever ses études quand son père est mort et sa mère l'a suivi 2 ans plus tard. Marion m'a raconté que c'était des gens très modestes et que l'héritage se réduisait peu ou prou à une croûte. Seulement... Le regard de Malik Boucharif s'alluma soudain. Seulement, là où l'affaire devient vraiment intéressante, c'est que le fiston a l'idée saugrenue de faire décrasser la croûte qui se révèle être une très jolie nature morte signée. Le fiston l'a fait expertiser, puis décide de la vendre, et là c'est le jackpot. La croûte rafle la mise en salle des ventes, et le fiston peut dès lors monter sa boîte d'informatique. Ses parents dormaient depuis des lustres à côté d'une véritable petite fortune, et il n'en savait rien. Jolie histoire. Ce n'est pas terminé. Le fiston est un génie de l'informatique. Il développe des composants très performants pour de gros systèmes et regagne en 5 ans plus du double de sa mise de départ. Un bonheur n'arrivant jamais seul, il rencontre une fille plus belle que le jour. C'est le coup de foudre, il se marie. Marion se pointe 5 ans plus tard, puis il se tue en bagnole. Cela, vous me l'avez déjà dit, Marion n'avait pas d'autre famille. Il y avait une tante très âgée, mais Marion ne l'a jamais vue. Elle avait un tuteur légal, un notaire désigné par l'État, un gars très bien, et naturellement Mousseron, l'associé de son père. Lui, Marion, ne savait qu'en penser. Tout ce que je sais, c'est qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Pourquoi ? Ben, à vrai dire, elle ne le sentait pas trop. Elle avait l'impression très forte qu'elle le gênait. Et pas seulement parce que 3 mois plus tard, il aurait eu à partager les bénéfices avec elle. A-t-il eu une attitude équivoque ? Non, absolument pas. Marion disait elle-même qu'il la recevait toujours très bien. Il la tenait au courant des affaires. Et il s'est toujours arrangé pour qu'elle comprenne les graphiques de chiffres qu'on lui présentait. Il était très patient. Pourtant, elle ne l'aimait pas. En fait, elle n'aimait pas son regard. C'est plutôt vague. Malik Boucharif haussa les épaules. Je sais, mais je vous l'ai déjà dit. Marion savait juger les gens. La vie le lui avait appris. Autant elle avait confiance en son tuteur, même si celui-ci se montrait assez strict, autant elle se méfiait de Mousseron. C'était instinctif. Par exemple, son regard était toujours fuyant et Marion avait horreur de ça. Il est vrai que ce n'est pas agréable, mais de là, il n'y avait pas que cela. Il n'hésitait pas à la laisser seule, prétextant généralement un rendez-vous de dernière minute. C'était très pesant pour Marion. Je l'imagine sans mal. Souffrait-elle de cette solitude ? Elle prétendait que non, mais je voyais bien qu'elle était heureuse quand j'étais là. Elle se posait. Comment cela ? Ben... Boucharif se mit à rougir à nouveau. J'ai toujours aimé cuisiner, dit-il tout penaud. Dutilleul fut sincèrement surpris. Boucharif poursuivit. Bien sûr, à la maison, c'était le domaine privé de ma mère, et il n'était tout simplement pas question de l'aider. Mais j'ai commencé à fleurir mes rogis et cela m'a plu. Je suis tombé avec un mec vraiment sympa qui n'en avait rien à foutre de mes origines. La seule chose qu'il me demandait, c'était de bosser proprement. C'est le premier qui m'a parlé comme son égal. Au début, bien sûr, j'ai fait quelques conneries, comme tout le monde. Mais au fil du temps, j'ai appris. Il était vraiment bien, Jean-Pierre. C'était peut-être un longue peine, mais c'était un seigneur dans son genre. Qu'avait-il fait ? Il avait buté son patron parce qu'il escroquait des vieux sans vergogne. Il aurait pu s'en tirer beaucoup plus légèrement, car l'escroquerie était bien réelle. Seulement, il l'a littéralement massacré, sans en ressentir le moindre regret. « J'ai débarrassé la terre d'une ordure. On ne voudrait pas que je le pleure. » Il fallait le voir supplier, le salopard. « Relâche-moi, je ne dirai rien, je te paierai, j'ai de l'argent à gauche. » J'ai fait ce que j'avais à faire. J'aimais bien ce type parce qu'il était clair qu'il ne cherchait aucune excuse. Avec lui, j'ai compris que ça ne servait à rien de cacher les choses. Cela faisait juste perdre du temps, et en cuisine, on n'en a pas. En prison, il faut que les mecs bouffent, c'est hyper important. La rébellion, c'est plus difficile, l'estomac plein. En plus, Jean-Pierre, il ne trafiquait pas. Remarque, il n'en avait pas besoin. Il avait les bons colis de sa femme. Elle aussi, je crois, elle était très bien. Elle est juste repartie en province parce que la vie était moins chère qu'à Paris. Mais les colis arrivaient régulièrement. Elle le soutenait à fond dans son acte. C'est rare. Pratiquement tout était fait maison. Jean-Pierre lui faisait ses commentaires. « Rajoute du poivre. Attention au sel. » « Finalement, tu n'étais pas trop malheureux. »« Vous savez, la prison, c'est comme tout. On s'y fait. » Revenons à Marion. Quel rapport y avait-il avec la cuisine ?« Ah ouais, c'est vrai, je vous ai pas expliqué. Donc, à Fleury, peu à peu, j'ai appris à cuisiner et j'ai pu en faire profiter Marion. Elle adorait les pâtes. On s'est organisé de bons petits repas, tous les deux. Ça lui faisait du bien de mettre la table. Elle avait l'impression d'avoir une vie un peu normale. Faut comprendre. » C'était difficile pour elle de cuisiner. Les trois quarts du temps, elle se nourrissait de plats tout prêts ou de sandwichs. Ce n'était pas bon et ça renforçait sa solitude. Pourtant, cela ne vous a pas fait arrêter vos conneries pour autant. Il a fallu que vous repassiez par la casse-prison quand Marion s'est fait assassiner. Je sais bien. Une chose me surprend cependant. Vous semblez parfaitement connaître tous les détails de l'affaire. Ben ça, dit fièrement Malik, c'est grâce à Brahim, mon frère. Il m'envoie toutes les coupures de presse qu'il peut trouver, et même si les informations datent un peu, ça n'a aucune importance. De toute façon, l'enquête est au point mort, Gravard n'a pas beaucoup cherché. Qu'auriez-vous fait à sa place, ou plutôt, que voulez-vous que je fasse ? Déjà, vous faire confier l'enquête. Je sais que la réponse est dans le passé de Marion. C'est pratiquement toujours le cas. J'ai l'impression très nette d'avoir loupé quelque chose. Quelque chose que je sais être sous mon nez, mais que je n'arrive pas à identifier. Est-ce pour vous venger de la mort de Marion que vous avez abattu cet agent de police ? Malik Boucharif ne scia pas. L'épreuve de vérité était venue. Avec Dutilleul, il savait que tôt ou tard on en viendrait à cette question, et il était décidé à ne pas biaiser. Vous voulez la vérité ? Je vais vous la dire. De toute façon, je risque quoi ? Il me faisait chier, ce prêtre. Ça faisait 15 fois qu'il contrôlait mes papiers. Celle-ci a été une fois de trop. J'ai vu rouge. Je voulais qu'il arrête de nous emmerder. Je l'ai descendu parce que j'étais rempli de colère. De toute façon, il fallait en finir d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez, j'avais beau faire, je n'avais simplement pas la force. La force de quoi ? Dit calmement Dutilleul. La force de me foutre un prunant en pleine poire et d'aller rejoindre Marion. Je l'ai trahi, doublement. Je l'ai lâchement abandonné. Je n'ai même pas eu le courage de partager son sort. Vous comprenez maintenant pourquoi je me dégoûte ?